C'est le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui va avoir lieu ce soir. Enfin, on y est, parce que moi, je suis pas mal, je commence à être tanné d'entendre les suranalyses, analyses, analyses. On est juste pour savoir si, à quelle heure que Shane Wright est allé aux toilettes. Et ce soir, ben, on va l'entendre finalement. Et on va savoir le premier choix repêchage. Qui de mieux placé que Simon Snake Boisvert? Salut, Simon. Salut Danny. Simon, évidemment, moi, je n'ai pas la prétention de connaître. Il y en a beaucoup d'experts qui se pensent experts parce qu'ils ont des opinions, là. Mais moi, j'ai quand même lu certaines affaires, là. Puis moi, je pense que, écoute, moi, m'appeler le Canadien, là. Avec un ailier qui mesure 6 pieds 4, qui va être à 245-250 livres, capable de marquer des buts, c'est dur pas passer. Puis qui peut jouer à Laval l'année prochaine comparativement aux deux autres, là. Ça, c'est un autre avantage aussi, là. Pour son développement. Moi, il me semble que j'irais avec cette affaire. Au détriment de Shane Wright puis au détriment de Logan Cooley. Mais je pense que ça va être Logan Cooley, moi. J'ai collé ça, là, puis je pense que ça va être Logan Cooley. Est-ce que je me trompe? Je pense qu'il est dans l'équation, mais je ne pense pas que ça va être lui. OK. Je connais ton choix, mais est-ce que tu penses? J'aimerais savoir ton opinion, OK? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Donc, ton choix, c'est le Slovaque aussi, et Oui. Carter Gauthier deuxième. Oui. Mais est-ce que tu penses que ça va être ça? Je pense que ça va être Slavkovski premier. Moi, ouais. Qu'est-ce qui fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que si ça avait été si évident pour le Canadien que c'était Shane Wright, je ne pense pas que Kent Hughes aurait manœuvré comme ça au cours des 2 derniers mois, dans la façon dont il parle du processus et des joueurs. Je sais que des fois, on veut maintenir un certain suspense, mais si tu te rappelles, quand les Rangers ont choisi Lafrenière, ça n'a pas Tout le été monde le long, savait, c'était le puis que tout le monde le consensus. savait. Alors, normalement, dans le cas de Shane Wright, si c'était lui, ben, Kent Hughes n'aurait pas patiné comme il l'a fait, parce que si tu as remarqué Kent Hughes depuis qu'il est en poste, il est quand même assez direct et assez franc. C'est la première fois que on voit qu'il veut cacher son jeu. Alors, c'est ce qui me porte à croire que ce ne sera pas Shane Wright. Est-ce que l'an prochain, Snake, parce qu'on dit que c'est une année de joueurs de centre l'année prochaine, tu sais, il ne sera pas trop tard pour repêcher des centres. D'abord, on ne sera pas une puissance l'année prochaine non plus, là. Tu sais, est-ce que tu penses que ça pourrait être ça? Ça vois-tu, c'est une philosophie des fois que tu peux avoir. OK. Quand tu rebâtis en te disant, bien, cette année, il y a moins de, je sais pas moi, de défenseurs ou de gros Ouais. alliés, on va prendre un centre l'an prochain, sauf que l'année prochaine, tu ne sais pas le rang que tu vas finir et tu ne sais pas aussi qu'est-ce qui va arriver de ces fameux joueurs-là. Parce que les repêchages un an à l'avance, là, c'est facile de dire en ce moment, ah, ben, il y a 6 centres dans les 10 premiers, mais est-ce qu'il va en rester 6 l'an prochain? Alors, c'est un petit peu, c'est un risque quand tu fais ça. Tu sais, regarde, mettons, les Devils qui prennent un défenseur l'an dernier. Ils prennent Luke Hughes au 4e rang. Là, ils repêchent 2e. Ben, s'ils n'aiment pas Shane Wright, ben, pourquoi ils se forceraient de le prendre? S'ils n'aiment pas Cooley, pourquoi ils se forceraient de le prendre? Ben, ils vont peut-être se retrouver avec Simon Nemeth. C'est un Ce exemple serait que pas je un te mauvais donne. choix non plus, Ce ne serait pas là. un mauvais choix, mais vois-tu, ils ont pris un défenseur l'an passé. Fait que si tu commences à réfléchir à ça, ça finit plus. Alors, écoute, tu Mais ça prends le dépend des fois, parce joueur. que regarde le Canadien, là, on s'entend-tu pour dire que si Keke n'est pas un joueur de centre, il n'est pas à Montréal? En effet. En T'sais, effet. t'sais, c'est parce qu'on a. Ben, la preuve, c'est qu'on avait tellement. Je pense qu'on avait repêché des joueurs de centre cette année-là. Okay, ou pratiquement. Fait que, t'sais, Sais, c'est sûr qu'à un moment Ouais. donné, il faut que tu doses un peu tes repêchages. Bon, dans le hockey junior, c'est plus normal de faire ça parce que tu as des joueurs qui graduent à tous les 3 ans. Alors, à un moment donné, tu ne peux pas te retrouver avec un pipeline où c'est vide à la défense ou au centre ou aux ailes parce qu'il n'y a pas vraiment d'agents libres dans le hockey junior. Dans la Ligue nationale, il y a des agents libres que tu peux signer pour combler tes besoins. Alors, ce n'est pas l'idéal, mais c'est très, très rare que tu vas avoir un pipeline qui va être rempli à toutes les positions. Donc, à ce moment-là, faites ton mieux au repêchage, prends les meilleurs joueurs disponibles, laisse faire la position, puis après ça, tu démêleras tout ça parce qu'il y a des centres qui peuvent devenir des ailiers. Ben, si on arrêtait peut-être à Quinn Hughes, ben, Brady Kachuk ou Quinn Hughes, ça serait à Montréal aujourd'hui, ça n'aurait pas été de ça. Ça, c'est ça. Mais là, le Canadien n'aurait peut-être pas le premier choix ce soir. Ouais, Fait que, tu sais, peut-être. il y a tout un effet domino. Peut-être Marc Bergevin sera encore là, on ne sait pas. Ouais. Qu'est-ce que Shane Wright, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Écoute, il était même un joueur de statut exceptionnel. C'est rare là, quand même. Là. Et qu'est-ce qui a cloché dans son cas? C'est-tu son développement? Qu'est-ce qui a fait en sorte? Parce qu'il a compté 39 buts à 15 ans. C'était pas rien non plus. Là. Oui, bien, c'est sûr que ce gars-là, à ce moment-là, il annonçait beaucoup. Ouais. Si tu regardes un gars comme Joe Veleno, qui avait été également un exceptionnel à 15 ans, il n'y a personne qui s'attendait à des miracles parce que Veleno, à 15 ans, il avait bien joué, mais il n'avait pas brisé aucun record. Non. Bon, alors on se disait, ben, on présume que ça va être un choix de première ronde. Bon, ça l'a été. Mais Shane Wright, il était vraiment perçu comme un joueur générationnel, quasiment au même niveau qu'un Sidney Crosby, par exemple, ou un Austin Matthews. Alors, les attentes étaient très grandes. Et là, il y en a qui se disaient, ben, 39 buts à 15 ans, 51 buts à 16 ans, puis 70 buts à 17 ans, puis dans la NHL, il devient un joueur générationnel. Là, il a fait 39 buts à 15 ans, il n'a pas joué à 16, il arrive à 17, il a une très bonne saison, 94 points. Mais 94 points pour un gars que bien du monde pensait qu'il en ferait 150. Ben, on dit que les frontlines de Kingston n'ont pas connu une grosse année. C'est là que ton joueur exceptionnel doit rendre les autres meilleurs, je pense. Mais c'est vrai qu'il a 17 ans aussi. Là. Mais si c'est un joueur exceptionnel, ben, il doit rendre l'équipe meilleure. Ben c'est un autre niveau. C'est comme Carey Price. Les gens disent, oui, mais il n'y a pas eu l'équipe. Il n'y a pas eu l'équipe. Ben, justement, si tu es un joueur, tu rends les autres meilleurs. C'est pas compliqué. Ben, surtout un joueur de centre dans le junior. Un joueur de centre dans le junior, il est supposé complètement changer l'allure de ton équipe. Okay. Et peut-être qu'il a rendu Kingston meilleur, dans le sens que Kingston n'aurait peut-être même pas fait les séries sans lui. Ouais. Mais tu sais, il a joué avec Martin Kromiak une bonne partie d'année. Kromiak était quand même un joueur de 19 ans qui a fait 44 buts, qui a été repêché par les Kings. Bon, les défenseurs, c'était pas fort fort. Mais tu peux pas te prendre ça comme excuse alors que tu regardes les matchs, puis il n'y avait pas de facteur dominant chez lui. Ce qui fait en sorte que tu le regardes et tu te dis « Ah, OK, bon joueur. » Mais bon joueur, est-ce que ça mérite la frénésie qu'il y a en ce moment à Montréal? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'accepteront pas si les Canadiens ne le choisissent pas. Ah, ça va être… Ben, ça va être on est condamné, là. Ben oui. Snake, ça va, on entend parler pendant 20 ans sur le pêcheur en soi. Le choix, là, ça va être comparé à Wickenheiser, Savard, ça va être comparé à Napier, Bossy, ça va être comparé à Éric Charron, Éric Chouinard, Simon Gagné, Brady Tkachuk, ça va être dans la même lignée. Là. Ben, ça va être comparé à tout le monde qui va suivre parce que le Canadien a le premier choix. Fait que si un joueur choisit cinquième qui est meilleur que le joueur choisi pour le Canadien, on va en entendre parler. Alors, c'est une situation, le Canadien, Kent Hughes, là, c'est très difficile pour lui. Il ne peut que perdre avec un choix comme ça parce que dans un repêchage de ce genre-là, les chances que le meilleur joueur ne soit pas le gars choisi premier sont élevées. Puis, on pense à 2011 avec Ryan Nugent-Hopkins, qui peut-être aujourd'hui serait le 10e ou 11e joueur choisi. Mais puis, les chances que Nugent-Hopkins ne soit pas le meilleur joueur en 2011 étaient très élevées. Le problème, c'est d'identifier le gars qui va être meilleur que lui. Ben, c'est ça. Tandis que Shane Wright, si jamais c'est Shane Wright, tu me l'as dit souvent, Snake, c'est que c'est lui qui a aussi le plus de valeur sûre. On va jouer safe. Valeur sûre, je pense que valeur sûre. Valeur sûre pour garder ta job. Oui, c'est ça. Parce que peu importe que Shane Wright fasse 15 buts, 20 buts, 30 buts, tu vas toujours avoir l'excuse de dire oui, mais c'était le consensus. Mm. Si, mettons, McDavid n'était pas devenu ce qu'il est devenu, ben, tu vas toujours dire ben oui, mais qui d'autre tu voulais que je prenne? C'était lui le gars. Alors, à chaque année, il y a un consensus qui se développe, puis je pense que les gens de hockey sont très, très à l'aise dans les consensus parce que ça leur permet de garder leur emploi. Oublie jamais une chose, les directeurs gérants de hockey, les recruteurs-chefs, c'est comme des politiciens. Ouais. Ils sont là pour garder leur emploi. C'est là que Patrick a eu du mérite parce que le fameux consensus, il était content maudit là, parce que c'était Seth Jones qui était le premier choix. C'est un gars du Colorado en plus, fils de Popeye Jones, l'ancien joueur de basket. Donc, c'était une lignée de joueurs de basket, d'athlètes professionnels. Le fameux consensus, il l'avait maudit, puis il était contre ça, puis aujourd'hui, ça rapporte. Seth Jones, c'est un bon défenseur, mais c'est pas un joueur... Non, c'est sûr que McKinnon était quand même premier sur la plupart des listes. Là. Ouais. Mais il y avait quand même beaucoup de pression, je me rappelle, à l'époque, pour prendre le joueur local et en plus de ça, le défenseur qui manquait à l'Avalanche. Snake est 26e. Est-ce que tu t'attends que le Canadien va s'avancer? Tout le monde dit que oui. à cause des 14 choix. C'est sûr que c'est 50 joueurs normalement pour faire la liste. Tu ne peux pas avoir plus que 50 joueurs sur ta liste de joueurs. Donc, c'est sûr, ça va en laisser plusieurs. Est-ce que tu t'attends que le Canadien va s'avancer? Je pense qu'ils vont essayer de le faire. Ouais. Mais là, qu'est-ce que tu veux donner en retour pour s'avancer? Tu sais, tu Moi, peux j'ai de la donner misère des avec choix, des j'entends choix, mais... Canadien sénateur une transaction. Moi, j'ai de la misère à croire que Canadiens et les sénateurs vont bouger, vont faire une transaction. C'est un peu Aussi. comme les J'en vois Yankees pas, et les moi. Red Sox. C'est un peu comme les dans l'Est comme ça. J'ai de la misère à croire ça, moi. J'en vois pas d'échange entre Montréal-Ottawa. Non, hein? S'il y a un échange, ça pourrait peut-être être avec Columbus. Mais je vois pas vraiment un... Tu sais, les chances de faire un coup d'éclat, ils sont quand même très, très minces parce que ça prend une autre partie pour accepter. Ouais. Pour ce qui est des 14 choix dont tu parlais, ben c'est pas trop un problème, ça, parce que tu as quand même entre 2 et 4 ans pour signer les joueurs, Ouais. dépendant de leur provenance. Alors, il y a comme une genre de sélection naturelle qui va se faire vis-à-vis les 50 contrats. Fait que ça, c'est pas vraiment un problème. La seule affaire, moi, que je verrais pour le Canadien, ça serait peut-être d'échanger des choix de cette année pour des choix de l'an prochain ou des choix de 2024 dans le but de rééquilibrer tout ça. Mais là Ouais. encore, ça te prend d'autres équipes qui vont accepter de prendre Ouais. deux choix de septième cette année pour deux choix de septième l'an prochain, tu sais. Le 26e, moi, il y a un gars qu'on appelle. Hier, je t'écoutais dans le podcast, hier, avec Dretulté. Très bon podcast en passant que j'ai découvert. Le Joker du 26e, c'est drôle, hein? Moi, je pense que le Russe, il a une maladie d'Hodgkin. Il Lui, est là, s'il est recherché, toi. disponible au 26e, c'est sûr qu'il y a l'histoire aussi politique au travers de ça, mais je pense qu'ils ont tellement de choix canadiens, là, que je l'essayerai en 26 s'il est disponible. Est-ce que tu es d'accord avec Ben, moi? moi aussi, parce que quand tu arrives au 26e rang, habituellement, tes attentes, ça va être un joueur de troisième, quatrième Un trio. Ryan Pelling, genre. Ouais, c'est ça. C'est un très bon exemple. Ouais. Alors, quand tes attentes sont comme ça, ben, tu es aussi bien d'essayer de frapper un coup de circuit avec un joueur qui, un, a un potentiel top 10, deux, il y a une maladie quand même qui est guérissable. Et l'histoire de la politique, par Oui, il y a l'histoire de la politique, mais la politique également, ça aussi, ça va se régler à un moment donné. Tu exemple. sais, quand même que Miroslav Shchenko, d'ailleurs, qui est à Montréal en ce moment et qui va parler à l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui l'ont Ah, repêché l'an déjà dernier. là, oh, tabarouette, Déjà là, si Miroslav Shchenko OK. s'en vient jouer à Boisbriand, il est On déjà dans la cour du Canadien. parle plus de la même affaire. Alors, l'histoire de la Russie, ça n'a plus d'importance. Fait que, non, c'est sûr que moi, 26e, si Miroslav Shchenko est encore là, à moins qu'il y ait quelqu'un de formidable qui glisse au 26e rang, moi, j'irai moi aussi avec Miroslav T'attends-tu une grosse école de la Légion du Québec en terminant? Shchenko. Grosse récolte, écoute, il y a quatre Il y a joueurs Jordan potentiellement. Dumais qui est un joueur. Ben, on entend parler de Luneau, on entend parler de Warren, on entend parler beaucoup ça, de Gaucher également, qui est un. Jordan Dumais, écoute, il y a des points, il y a des points. On dit que c'est une question d'attitude dans son cas. Est-ce que ça serait étonnant que les Canadiens, avec tellement de choix, qu'ils pourraient jeter un dévolu sur lui? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Ben, c'est plus une question de physique. OK. Dans le sens que, tu sais, je sais qu'il y a des petits joueurs qui réussissent, mais c'est pas un gars quand même qui a un coup de patin absolument là, fulgurant. Puis habituellement, quand tu es petit, il faut que tu sois très rapide. OK. Alors, c'est un joueur capable d'accumuler des points. Oui, à un moment donné, ça peut être bien de prendre une chance, peut-être en C'est un troisième ou ailier, quatrième ça, hein? ronde. C'est un ailier, je pense. Hein? Oui, puis c'est un gars sur qui tu peux prendre une chance en troisième, quatrième ronde. Puis au pire, ben, ça peut te faire un bon joueur à Laval. Ouais. Alors, moi, je dirais oui. Pour répondre à ta question, il y a quatre joueurs qui ont peut-être des chances d'être choisis en première ronde, mais ça se peut que les quatre glissent en Début dehors, de on va deuxième. voir. OK. Le plus susceptible là, de partir premier dans la LHJMQ, je pense, c'est Nathan Gaucher. OK. Ensuite, ça, il y a trois défenseurs, Tristan Warren, Luneau, Luneau, puis l'amoureux. Lamoureux, puis Warren. Ça, Warren que c'est t'aimes beaucoup d'ailleurs. borderline première, deuxième ronde. Warren que t'aimes beaucoup, là. Tu dis que Oui, son plancher Warren, pourrait ça serait mon être. préféré. Son plafond pourrait être très élevé dans son cas. Ben, un gars de 6 pieds 5, Ben oui. 225 livres qui patine comme ça, Ouais. honnêtement, je le préfère à Luneau puis Lamoureux. OK. Snake, on s'en parle lundi, Superman. Le Danny. Donc, Simon Snake Boisvert avec une nasale de repêchant.